Chapitre 11e. Encore une remarque. Il existe parmi nous, je le sais, des ennemis déclarés du roman qui se voilent la face à ce seul nom et qui se mettent les poings dans les yeux pour ne pas lire le seul titre d'une de ces œuvres pernicieuses et maudites. Nous nous adressons aussi à ceux-là et leur demandons, tout frémissant d'émotion, s'ils pensent que la lecture de Geneviève présente réellement autant de périls. Si ce n'est point là un bon, un excellent livre. Si le genre même auquel cette œuvre appartient est un genre nécessairement détestable, et que les chrétiens doivent nécessairement proscrire de leur bibliothèque et de leur estime. Il serait temps cependant d'en finir avec ces fadaises. Geneviève, d'ailleurs, est une œuvre chrétienne, et nous sommes heureux de le rappeler à M. de Lamartine lui-même. Si ces pages simples nous passionnent si sainement et nous remuent jusqu'aux larmes, c'est qu'elles sont profondément catholiques. Où l'auteur des Méditations a-t-il pris le type de sa servante volontaire? Où a-t-il trouvé le modèle de Geneviève et l'idée même de ses sacrifices presque surnaturels? Ah, il le sait bien, c'est dans le Saint-Évangile, c'est dans la Sainte Église. Est-ce que les anciens, est-ce que le grand Platon lui-même et Sénèque auraient pu seulement imaginer une Geneviève? Est-ce que cette antiquité si vantée aurait trouvé cette prière d'une servante, qu'on ne peut lire sans un véritable recueillement? Et par laquelle nous voulons achever cette étude de Lamartine considérée comme romancier. Mon Dieu, faites-moi la grâce de trouver la servitude douce et de l'accepter sans murmure, comme la condition que vous nous avez imposée à tous en nous envoyant dans ce monde. Si nous ne nous servons pas les uns les autres, nous ne servons pas Dieu, car la vie n'est qu'un service réciproque. Les plus heureux sont ceux qui servent leur prochain sans gage, pour l'amour de vous. Mais nous autres, pauvres servantes, il faut bien gagner le pain que vous ne nous avez pas donné en naissant. Nous sommes peut-être plus agréables encore à vos yeux pour cela, si nous savons comprendre notre état. Car outre la peine, nous avons l'humiliation du salaire que nous sommes forcés de recevoir pour servir souvent ceux que nous aimons. Nous sommes de toutes les maisons, et toutes les maisons peuvent nous fermer leurs portes. Nous sommes de toutes les familles, et toutes les familles peuvent nous rejeter. Nous élevons les enfants comme s'ils étaient à nous, et quand nous les avons élevés, ils ne nous reconnaissent plus pour leur mère. Parente sans parenté, familière sans famille, fille sans mère, mère sans enfant, cœur qui se donne sans être reçu, voilà le sort des servantes devant vous. Accordez-moi de connaître les devoirs, les peines et les consolations de mon état, et après avoir été ici-bas une bonne servante des hommes, d'être là-haut une heureuse servante du maître parfait. Il nous reste à étudier M. de Lamartine comme philosophe.